Okay. Aïe. Terre à cœur. Nouveau niveau. Détail volume 2. Brrrr. J'apprécie la vie, même si parfois elle est brutale. Je zigzag dans ma ville entre le bien et le mal. La joie, la tristesse, les coups, les caresses, la clairvoyance ou l'ivresse, la police qui nous agresse. Fou rire, prise de tête, sourire, prise de bec. Un briquet, des cigarettes, des feuilles à rouler, une barrette, une plume, un cahier, un chrome et un casque. Pas besoin de docteur Dre, juste un petit sang qui froisse de l'inspi et du flow. Ça, voir manier les mots. Entrer dans la cabine, kicker sans faire de démo. Avec le cœur, la rage de ma passe, on se propage. Qu'elle traverse tous les orages, qu'elle noircisse de nombreuses pages. Ambition, motivation, rime avec évolution. Se donner à fond dans ce qu'on aime. On est tous dotés d'un don, croire en soi-même. Évidemment, laisser parler les gens. Avancer prudemment en faisant des pas de géant. 2009, 22 piges, du son neuf sur le net. Enfoiré, faut que tu cliques et que tu kiffes la net. Et volume 2. Nouveau niveau, défi tu rimes de malade. J'calcule pas les rivaux devant leur nez. J'me balade, j'fais les bails net. Tout sous sky, si s'il y a nos sous-sailles. Ça sort du sous-sol, on sait tous faire des sous-sales. Terre à cala, latino, fichal. Le réseau des fourrailles, le 9-3 pour sa boîte. J'ai kické avec le cœur pour les potos qui soutiennent. Pour tous ceux qui me suivent depuis poésie urbaine. Pour les vrais qui apprécient, j'fais monter la pression tout doucement. Mais sûrement, j'taffe l'écriture à la maison. Si la concurrence tourne en rond, j'avance tout droit. Si un MC fait le con, c'est sûr d'une mesure, j'le fous droit. J'suis patron de mon rap, y'a personne qui me dit quoi faire. J'm'exprime toujours avec la niaque, vois comme c'est PD de coiffeur. J'fume mon niaque dans les transports, nique sa mère, la société. Quand j'vois les ports, j'transpire pas à moi, j'suis plutôt excité. Exilé parmi tant d'autres, en marge de l'état. J'lève mon verre à la vôtre, ma plume, c'est mon Beretta. J'tire dans le tas, ça fait c'est du rap qui assassine. Si n'y était raca, bientôt j'fais crash l'assassin. Ouais ça c'est ça surine. Ça sort de l'ordinaire. Ton flow baigne dans l'urine et ta musique polulaire. 2009, 22 piges, du son neuf sur le net. Enfoiré, faut que tu cliques et que tu kiffes la net. Volume 2, nouveau niveau, défi tu rimes de malade. J'calcule pas les rivaux devant leur nez. J'me balade, j'fais les bails net. Tout sous sky, si s'il y a nos sous-sailles. Ça sort du sous-sol. On sait tous faire des sous-sales. Terre à cala, latino, fichal. Le réseau des fourrailles. Le 9-3 pour sa boîte. J'ai mis la barre haute comme au pays du FGS. Pour G-Cliff, Saddam Youssef. Les refrains de la thèse. Le réseau volume 2 arrive incessamment sous peu. Latino, fichal, réaca. Vas-y fous le feu du son dans. J're pour la banlieue du lourd sur le net. Téléchargé gratuitement et aller pêcher une barrette. J'ai pas fini de grimper. J'm'arrête pas en chemin. J'aime tellement le RAP. J'peux zépo, tu sors au matin. Machine de guerre, lyrical, bro. Ton type illégal, TRAK, ça kick. Et les connaisseurs se régalent. J'en place une pour ma clique. Normal, on te met des claques. C'est de maille pour faire un clip. Pour l'instant, on fait que des tracks. Nous voir dans la street, souvent zépo, canal 93. Et district, bienvenue dans ma capitale. Roule un split à Daya. J'veux voir tout le monde va Faya. Pour tous les chiens du bitume qui ont grandi loin des playa. 2009, 22 piges, du son neuf sur le net. Enfoiré, faut que tu cliques et que tu kiffes la net. Volume 2, nouveau niveau, défi tu rimes de malade. J'calcule pas les rivaux devant leur nez. J'me balade, j'fais les bails net. Tout sous sky, si s'il y a nos sous-sailles. Ça sort du sous-sol, on sait tous faire des sous-sales. Terre à cala, latino, fichal. Le réseau des fourrailles. Le 9-3 pousse à bagaille. Le 9-3 fout sa bagaille. Ok. TRAK, le réseau FGS Records. Ok.